Test, Je t'aime en musique, avec Hélène Ingret. Auditrice et auditeur de Grand Test, je t'aime en musique. Alors, je t'aime, ben, je vous aime aussi, bien sûr, mais ce je t'aime, T-H-E-M-E, et c'est un thème qui est développé tous les mois, chaque mois, un thème différent, avec une illustration musicale interprétée par des artistes du Grand Est. Et oui, cette région du Grand Est est particulièrement riche en pépites musicale qui ne demande qu'à être découverte, cette pépite et ces pépites. Et l'intérêt de vous proposer justement cette illustration musicale, c'est qu'on sort un peu des sentiers battus. Hein. Je pense que vous comme moi, bah, souvent dans un CD, on passe toujours un peu les mêmes morceaux qu'on affectionne. Alors ça permet d'élargir la palette justement de ces découvertes, de ces pépites. Alors, le mois de décembre, quand on balance pas la publicité à partir quasiment du début de l'automne, si c'est pas la fin de l'été, pour les fêtes de fin d'année, et oui, où vous allez pouvoir vider un maximum vos fonds de monnaie, vos fonds de poche, pour ceux qui ont quelque chose dans leur poche, eh bien, c'est du pain béni pour les commerçants, les intermédiaires, enfin, tous ceux que la croissance et l'achat compulsif, et puis cette espèce de fièvre qui vous empare, enfin, qui essaye de vous emparer, parce que quand même, bon nombre de personnes n'ont pas du tout les moyens, donc on est souvent dans des revenus de survie, pour un certain nombre, mais malgré tout, eh bien, il y a une excitation comme ça qui monte progressivement pour avoir une espèce d'apothéose le 25 novembre, le 25 décembre, oui, début décembre déjà un peu avec la Saint-Nicolas, côté un peu enfant pour nos régions de Grand Est, mais sinon le 25 décembre et puis alors la gabegie, alors là c'est bouquet final avec le nouvel an. Eh bien, moi, je vous propose donc le thème, la consommation. Alors, la consommation, bien sûr, il y a ces temps forts, parce que je ne sais plus statistiquement, c'est là que par panier. Alors, les moyennes, il faut toujours se méfier, c'est du style, on dépense 300 euros par personne, par enfant, par ménage. Ben, je dis les moyennes, c'est par exemple, vous êtes dans une pièce, hein, vous avez les pieds au sol dans la glace, hein, il fait moins 10 au niveau des pieds. Vous avez la tête dans le four électrique et il fait plus 60 et, ou plus 80. Et puis vous avez une moyenne en gros de 30-40. Bref, voilà, les moyennes, ça ne vaut que ce que ça vaut puisque c'est toujours des personnes qui peuvent dépenser beaucoup d'argent, d'autres qui regardent les devantures exclusivement. Voilà pour un peu cette introduction de ce thème du Grand Est, je t'aime en musique, donc du mois de décembre, sur la consommation. Alors la consommation, c'est aussi bien entendu les soldes. Alors les soldes ou les bonnes promotions, les bonnes affaires, eh bien en milieu, en fin d'émission, je vous dirai aussi quand même, bon, c'est des clins d'œil aussi, ces illustrations musicales, des clins d'œil qui sont parfois un peu douloureux, la suite justement de ces problèmes de consommation et de croissance. Hein, on n'a qu'une planète. Et puis, de plus en plus, on gâche aussi les ressources de cette planète pour satisfaire quelques appétits minoritaire, mais largement milliardaire, au détriment du grand nombre. Et donc, voilà aussi pour se dire qu'on peut peut-être aussi ne pas être uniquement un consommateur, mais, comme la formule le dit aussi, un consomme-acteur. Alors, donc, au niveau, justement, de cette... introduction musicale, hein, assez parlée, puisque c'est Grand Est, je t'aime en musique. Eh bien, cette émission commencera par un groupe Salfé, terminera aussi par un groupe Salfé. Alors, Salfé, ça s'écrit S-A-L-E-E-S, plus loin, F-E-E-S. Alors oui, il y a beaucoup, des fois, des jeux de mots et dans les titres des groupes et dans les titres des morceaux. Alors, Salfé nous interprète l'effet que ça fait. Alors, c'est l'effet que ça fait, l'effet... On entend à la radio l'effet que ça fait, mais le titre, c'est l'effet, alors non pas L-E-2-F-T, mais L-E-S, plus loin, fait, comme l'effet du logis, fait et est-ce que ça fait, bah, que ça fait. Voilà, ça le fait, l'effet que ça fait. C'est parfait, en effet, l'effet que ça fait, pour rire de ce fait. C'est comme un conte de fées, mais mon compte est bloqué, le méchant loup est banquier. J'ai le cœur en fête, vite, je prends un café. Il fait beau, il fait chaud ce matin. Je suis pressée, le plus beau jour de ma vie. L'heure des soldes d'été. Je sors de chez moi, là, il faut pas me retarder. Le voisin sort la tête et s'apprête à parler. Je l'esquive en simulant un appel de mes mots. Je cours vers la voiture. On arrête carrément et... Ok. C'est parfait, en effet. L'effet que ça fait. Sur un pont, j'ai la priorité. J'ai des bons de réduction cumulables, négociables pour tout achat dans le rayon. Poncho ou cette table. C'est pas très beau, mais bon, j'arriverai cette benoît, sa serpent de vipère qui viennent me voler mes propos, mes affaires. On s'écrit, on se toise, on se joint des épaules quand soudain la porte s'ouvre. C'est parti pour la course folle. C'est parfait. Chemisier. Elle m'a prise pour un mannequin. Ouais, je sais, ça peut arriver. Je lui ai mis un coup de tronche, œil pour œil, dent dans l'œil. Je lui ai soufflé dans les bronches et je lui ai piqué son sac. Alors il y avait un petit haut super échancré avec écrit choisis ton camp entre les deux seins. Alors moi j'ai choisi, j'ai opté pour la chamalin. Seulement voilà, ma carte ne voulait plus passer. Tant pis, j'ai ton bois. Garde le ticket de caisse, c'est pour moi, je suis en retard. Faut que je me passe encore toute la rue à acheter. Hey, mec, bouge de là, tu vois pas que t'es dans mes bras. Oh pardon, monsieur l'argent, l'agent, pardon, je m'ai trompé. Quoi, c'est ça? Oui, c'est à moi. Non, mais en fait, c'est une erreur. C'est elle là, l'autre à côté qui en voulait à mon tailleur. Que je vous suive, mais vous savez, j'ai encore des achats à faire. Souffler dans le ballon, mais pourquoi faire? Vous savez, je suis pas footballeur. Ou alors avec une bière. De toute façon, je suis plus sport d'hiver. Tiens, comment elle va ta grand-mère? Elle a adopté un tout petit hamster. Bon, on arrête les rimes en R. Roger, Federer. C'est parfait, en effet, l'effet que ça fait, pour rire de ce fait, c'est comme un conte de fées, mais mon compte est bloqué, le méchant loup est banquier, il les sales fées qui nous interprétaient les fées que ça fait. Et à présent, donc, toujours sur cette thématique des soldes, de la consommation, eh bien, c'est Anacé et Barbiche qui nous interprètent les valses des sacs. Va me faire une crise cardiaque, je me suis encore acheté un sac. C'était pas prévu, je passais par là, je l'avais pas vu, c'est pas ma faute à moi. Il était là à me regarder, on aurait dit qu'il me suppliait. Prends-moi, ne me laisse pas là, je suis si beau et pas très gros. Alors je l'ai pris son aile et je lui ai juré d'être fidèle, quoi tout à coup. Tous ces sacs qui me sautent à la figure, ma raison qui se barre devant des chaussures. C'est une vraie torture, je te jure. Mon mec va m'engueuler, c'est sûr. Je me suis acheté de nouvelles chaussures. C'était pas voulu, mon pied les a vues. Et puis surtout, elles étaient pas chères du tout. Elles semblaient dire, tu vois, j'assure. J'ai pile poil la bonne cambrure. Je voulais pas faillir, je t'assure. J'ai même tenté de fuir. Je les ai juste chaussées, comme ça, tu vois, pour essayer. Je sais pas ce qu'elles font maintenant dans mon sac. Tous ces sacs qui me sautent à la figure. Ma raison qui se barre devant des chaussures. C'est une vraie torture, je te jure. Mon mec va me mettre une claque quand il va voir au fond des sacs une jolie robe à moitié prix, achetée c'est vrai chez Monoprix. J'étais partie pour remplir le frigo quand j'ai vu là derrière un gigot. Seul au milieu des promotions, me poussant à la consommation, tu vas rire, c'était ma taille, alors je l'ai prise avant qu'elle ne s'en aille, comme ça sans réfléchir. Tous ces sacs qui me sautent à la figure, ma raison qui se vend devant des chaussures, c'est une vraie torture, je te jure. Ce soir en remontant toutes ces choses, je me sentais quelque peu morose. T'es pas très fière, j'imaginais l'amour de ma banquière. En voulant ranger tous mes sacs, j'ai failli avoir une attaque. Dans l'abondance de ma banderie, j'ai compris ma dépendance. Alors cette fois, c'est sûr, tout est fini, je t'assure. Mais je peux quand même garder ma carte de crédit. Dis. Tous ces sacs qui me sautent à la figure, ma raison qui te barre dans des chaussures, c'est une vraie torture, je te jure. Et nous consommons, et nous consommons, et les garçons au trottoir nous interprètent « Je consomme ». J'avais des ailes pour un régime sans sel qui finalement n'a pas fonctionné. Une péritelle conçue par Alcatel qui finalement n'est pas adaptée. Une fille de l'Est croisée à Bucarest qui pratiquait un très vieux métier. Un logiciel à très gros potentiel dont j'ai oublié l'utilité. Je consomme et juste après je jette. Je consomme et juste après je jette. Puisque j'achète, je consomme et juste après je jette. Le nouveau disque de la nouvelle star me procure un plaisir éphémère qui me fera bien patienter jusqu'à la prochaine production bétaillère. Un rasoir bic que je prends quand je pique comme une obligation journalière. Affirmatif, juste de préservatif pour une partie de jambes en l'air. Je consomme et juste après je jette. Je consomme et juste après je jette. Peu m'importe la somme puisque j'achète. Je consomme et juste après je jette. Kleenex, Alfa Romeo, Axe ou le chat. McDo, Durex, Microsoft et mon ex, Kodak, Hollywood, Esprit, Cora. PNPT, F1, OCB, Formule 1, RATP ou Michelin. bien l'autre encore. Énergie qui arrive au lit, Coca-Cola, Rénal, au pizza, au Elola, Vichy, Célestin. Je consomme et juste après je jette. Je consomme et juste après je jette. Peu m'importe la somme puisque j'achète. Je consomme et juste après je jette. Je consomme et juste après je jette. Je consomme et juste après je jette. BNPT, FAO, CB, Formule 1, RATP ou Michelin. Et bien d'autres encore. Énergie qui arrive au lit, Coca-Cola, Rénal, au pizza, au Elola, Vichy, Célestin. Les garçons trottoirs, alors quand on consomme, on consomme, on consomme, on a, selon la formule un peu populaire, on a les fonds, les dents du fond qui baignent. Et si on a les dents du fond qui baignent, c'est que c'est un trop-plein. Un trop-plein, ça vous donne une gastro-laryngite. Et c'est donc Jacques Simard qui va nous l'interpréter, la gastro-laryngite de Jacques Simard. Gastro-laryngite. Envers et contre tout, sans cesse et malgré nous, on passe nos vies de fous à se remplir jusqu'au bout, se gaver d'obsolètes et puis de produits jetables, se remplir la tête et puis surcharger sa table. Il faut tout voir et tout comprendre, tout vivre, tout faire, se gaver jusqu'à rendre pour mieux s'auto-satisfaire. On veut toujours plus que le voisin, toujours chercher un peu plus loin, avoir le plus beau, le plus cher, le plus élevé des salaires. Il faut se remplir et c'est moche quand on pense à tous ceux qu'on comme des trous dans les poches et les gamelles qui sonnent creux. Oui mais moi ce trop plein mes cœurs me donne comme des hauts le cœur. Je me sens à l'étroit dans mon froc, y a bien trop de vérités qui choquent. L'élastique de mon calcif menace de tout foutre en l'air. J'ai la musique en laxatif et plus de force dans les sphincters. Alors je me vide de mes mots, les étals sur des petits carrés de papier. Et je veux graver mes cordes vocales sur des morceaux d'éternité. Je me vide de ma diarrhée verbale, toutes ces pensées indigestes. Puis je dégueule le scandale. Et pourvu que mes chansons pestent. Fil de l'amplitude de tout ce que l'on accumule entre le nombre d'années d'études et zéro devant la virgule. Enfiler les tranches de vie et collectionner les souvenirs. Il faut se remplir à tout prix pour le meilleur et pour le pire. Ces boulimiques et ce colmate dans nos petites chairs qui se dilatent à tel point qu'elles nous constipent pour mettre de la mayo sur les frites. Dans les musées, il faut stocker dans des albums, dans un grenier, ces tonnes de trucs à consommer, sur place ou emporter. Emporter! Se remplir et c'est moche quand on pense à tous ceux qu'ont comme des trous dans les poches et les gamelles qui sonnent creux. Oui mais moi ce trop plein mes cœurs et me donne comme des hauts le cœur. Je me sens à l'étroit dans mon froc, y a bien trop de vérité qui choque. L'élastique de mon calcif menace de tout foutre en l'air. J'ai la musique en laxatif et plus de force dans les sphincters. Alors je me fie de mes mots, les étale sur des petits carrés de papier. Et je veux graver mes cordes vocales sur les morceaux d'éternité. Je me fie de ma diarrhée verbale, de toutes ces pensées indigestes. Puis je dégueule le scandale. Et pourvu que mes chansons pestent. Remplir et c'est moche quand on pense à tous ceux qui ont comme des trous dans les poches et des gamelles qui sonnent creux. Oui, mais moi, ce trop plein m'écart et me donne comme des hauts de cœur. Je me sens à l'étroit dans mon froc. Y a bien trop de vérité qui choque. L'élastique de mon calcif menace de tout foutre en l'air. J'ai la musique en laxatif et plus de force dans le sphincter. Alors je me vide de mes mots, les étale sur les petits carrés de papier. Et je veux graver mes cordes vocales sur les morceaux d'éternité. Je me vide de ma diarrhée verbale, de toutes ces pensées indigestes. Et puis je dégueule le scandale. Et pourvu que mes chansons en pestent. Il faut savoir que si l'intégralité de la population humaine est consommée comme le font les pays industrialisés, ce n'est pas une planète et demie qu'il nous faudrait, voire deux, mais il nous en faudrait trois ou quatre. Pour déjà les populations, un certain nombre des personnes de la population, parce que tout le monde dans ces pays industrialisés ne consomme pas pareil, eh bien nous en sommes déjà rendus au début, à la fin de l'été quasiment, à avoir consommé ce que la planète peut procurer en ressources sur une année. Donc je vous laisse deviner ce qu'il s'ensuit quand justement, eh bien... cette espèce de train qui nous emmène à leur tête dans la locomotive, hein, les grands industriels, les financiers, les fonds de pension, etc. Eh bien, quand ce train nous amène droit dans le précipice, bon, la fin de cette émission permettra de voir qu'il y a aussi des possibilités, peut-être de faire dérailler ce train avant qu'il nous emmène tous dans le précipice. Mais là, ce sera quelques illustrations musicales de ce qui se profile à un horizon pas si lointain que cela. Et tout d'abord, c'est Fabergo qui nous interprète justement la valeur des pions. L'appétit d'une grande surface, engloutissant le mont Glouton, agglutiner les champs, les glaces, abrutissant le monde mouton, bloqué dans l'uniforme grimace, celle de la consommation. Quand le beau monde se prélasse, le peuple collectionne les bons, et de là-haut sur leur terrasse, ils lancent des graines aux pigeons, sans que rien ne les terrasse, du pain au canard moribond. Même si le goût est dégueulasse, toutes leurs épluchures aux cochons. Même si le goût est dégueulasse. Inclinons-nous devant l'audace de ceux qui pour te vendre un savon te le passent avec classe, en te montrant une paire de nichons. Mais que veux-tu, nous sommes la masse. En bons citoyens, nous consommons. Grappillons les miettes éparses, éparpillées comme la raison. Et comme bien sûr rien ne menace ce petit manège, on tourne en rond. Comme les mauvais produits s'effacent derrière les sondages d'opinion. Nous ne sommes jamais plus loquaces que lorsque nous consommons, laissant nos empreintes, notre crasse. Sans y penser, nous consumons. Et c'est notre bave, c'est notre trace de la mort aura que nous laissons. Comme pisser sur les godasses de notre monde devenu abscon. Alors prenons de nos mains grasses notre pollution en dérision. On n'aura pas le temps de faire face. Bientôt notre vie sortira de ses cons. Nos enfants prendront notre place. Nos enfants prendront notre place. Nos enfants prendront notre place. Et peut-être qu'ils nous haïront. Faudrait que quelque chose casse sur la chaîne de production. Que la foule se regarde en face, zappant la chaîne de télévision. Que l'aval de l'odeur se tracasse et fasse remonter en amont. Que la populace qui s'entasse comprenne la valeur des pions. La valeur des pions. La valeur des pions, Fabergo. Et bien entendu, eh bien, tout ça nous amène non pas dans un wonderful world, dans un monde merveilleux, mais surtout, surtout, ça nous amène tout droit vers un monde de merde, interprété par Roulis Pinder. Thank you. plaire à ses besoins, il faut trimer. Et tout le monde le sait, il faut toujours, toujours et encore plus. C'est ton patron qui te le dit, pas chichi, pas répit. Toujours accéléré pour la rentabilité. Toujours pelé, tant pis pour la santé. Pum pum tcha, petit petit, quoi quoi. Monde de merde de rouler pain d'air. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, il y a de plus en plus urgence, urgence, Charlie Chopin. Allez savoir. Comment on en est arrivé là, avoir ce lourd sentiment que rien ne vaut le dérangement, à croire que nos cervelles sont vraiment des poubelles. Mais quel est le prix à payer pour nous empêcher de flinguer? Mais y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Allez savoir quoi faire pour nous empêcher de faire les autruches pendant que l'on nous gruge, nous empêcher de rester insensibles aux actes nuisibles. Mais quel mauvais génie nous pousse au génocide. Mais y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Allez savoir comment faire pour réduire en poussière notre révoltante fascination pour l'autodestruction. Mais nous sommes bien trop crédules comme un troupeau de somnambules. Et notre négligence nous guide droit vers la décadence. Mais y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Y'a urgence, rien ne change. On se fait tous nos petits mélanges et puis on se trouve un sens. Mais allez savoir comment on en est arrivé là, avoir ce lourd sentiment que rien ne vaut le dérangement. Je Charlie Chopin. Charlie Chopin, il y a urgence. Vous êtes dans l'émission Grand Est, Je t'aime en musique. Je t'aime, T-H-E-M-E. Et c'est le Grand Est, Je t'aime en musique, de décembre, consacré à la consommation. Et donc, ben, s'il y a urgence, effectivement, on pourrait dire... après nous le déluge, voilà, on peut dire après nous le déluge, comme on peut dire aussi, tout simplement, comme nous l'interprète Christophe Fressac, comme nous l'interprète Christophe Fressac, après nous les mouches. Quelques dollars, on veut bien guetter le dernier guépard pour vous l'empailler. Dernier éléphant, on s'en fout pas mal. Nous, à part l'argent, tout nous est égal. Après nous les mouches, les forêts brûlées. Après nous la couche, nos zones envolées. Après nous les mouches et les dissolvants. Après nous la douche froide pour nos enfants. Pour nos enfants. L'océan se fait pour bien nettoyer. Les pétroliers qui veulent dégazer. Nous, l'Amazonie, c'est notre terrain de jeu. La course au profit passe par le feu. Après nous les mouches, les forêts brûlées. Après nous la couche d'ozone envolée. Après nous les mouches et les dissolvants. Après nous la douche froide pour nos enfants. Pour nos enfants. Christophe Fressac, eh bien, donc, dans cette période de fin d'année, donc le mois de décembre consacré à la consommation. Ah oui, accessoirement, c'est pour les fêtes de fin d'année, etc. Mais c'est aussi pour vous faire acheter un maximum de choses en partie, plus ou moins utiles, voire complètement inutiles et surtout dangereuses pour nous tous, pour la planète. Eh bien, si vous voulez passer du statut de consommateur quasiment décervelé, eh bien, vous pouvez aussi devenir consomme-acteur. Oh, c'est juste quelques pistes. Déjà, quelques pistes, tout simplement pour dire que maintenant, ça devient progressivement, c'est tendance, on va dire comme ça. Hein. Je ne voudrais pas dire que c'est une mode, parce qu'une mode, c'est très éphémère, justement, pour pouvoir vous faire consommer davantage. Non, ça devient de plus en plus tendance de se dire qu'on n'est pas obligé d'acheter quelque chose. On peut le louer, on peut se le prêter en contre-don d'autres choses, hein, avec des systèmes d'échange locaux, par exemple les SEL, hein, SEL, etc., ou même dans son environnement proche. Et puis bon, là pour le coup, Internet a quelques côtés sympathiques pour permettre de mettre en relation donc un certain nombre de personnes dans un monde vraiment humain, hein, parce que sinon Internet, quand vous pensez qu'il est très facile, pour ne pas les citer parce que c'est ceux qui sont les plus riches, ceux qui s'enrichissent d'une façon fulgurante et d'une façon honteuse, et pour cause, ils s'enrichissent d'autant plus qu'ils ne payent pas leurs impôts, c'est tous les GAFA, les Google, les Amazon, les Facebook, les Apple. Donc, cherchez l'erreur. Donc, quand vous commandez quelque chose, même si, par exemple, sur Amazon, hein, puisque c'est justement dans cette période de fin d'année, ah là là, on va en trouver des cartons avec un espèce de sourire sur les trottoirs, eh bien, dites-vous bien que si vous avez quelques petites réductions par rapport à votre libraire, admettons, votre commerce du secteur qui, lui, va mettre la clé sous la porte parce qu'effectivement, il pourra plus réaliser un minimum vital pour lui. Dites-vous bien que vous payez deux fois. Vous supprimez donc les emplois de proximité qui fera qu'à terme, vous serez aussi visé. Mais aussi, vous payez les routes sur lesquelles roulent ces camions, des fois des camions qui n'ont quasiment rien, mais il faut respecter les délais de toujours plus vite, toujours plus vite. Et bon, comme Amazon ne paye pas ses impôts, il ne paye pas non plus les infrastructures qu'il permet effectivement de faire ces richesses vraiment honteuses au regard de la pauvreté grandissante. Hein. C'est vraiment les inégalités qui se croisent qui se croisent, les courbes se croisent, il y a de plus en plus d'inégalités profondes et il y a quelques-uns qui sont de plus en plus riches. Alors, je ne peux que vous conseiller, si vous avez l'occasion de pouvoir revoir le Cash Investigation qui est passé sur France 2 le 24 septembre 2019, hein, sur les nouveaux prolétaires du web, hein, donc le Cash Investigation, le titre c'était « Au secours, mon patron est un algorithme ». En fait, d'algorithme, derrière l'algorithme, il y a surtout des vrais gens qui en masse, donc ces milliards. Et dans la foulée de ce Cash Investigation du 24 septembre 2019, est paru un exemplaire, donc c'est un hebdomadaire, hein, qui s'appelle le 1, numéro 1, avec le titre « Les nouveaux prolétaires du web ». Donc, ça montre comment ces milliardaires s'enrichissent sur le dos, non seulement des petites mains qui sont derrière les claviers, hein, parce que quand on dit algorithme, il y a surtout des petites mains qui sont payées à 1 centime, 2 centimes la manipulation. Et puis, tous ceux qui vous livrent, hein, que ce soit de routier ou que ce soit sur le plateau repas à vélo et qui risquent d'y 10 fois plus en termes d'accidents de travail que dans le monde normal, entre guillemets, qui est contrôlé avec un minimum de législation sociale. Donc tout ça vole en éclats avec le web. Donc, avec Internet et cette économie qu'on nous présente comme étant la panacée du XXIe siècle. Et puis aussi, bien, il y a possibilité, hein, vous-même, bah, de recycler vos affaires par rapport à des vide-greniers, à des dons, à des, des associations comme Emmaüs, qu'on trouve à travers le territoire. Localement, par exemple, aussi, dans les Vosges, vous avez l'Abri, hein, qui se trouve à côté de Remiremont, qui font en plus un déstockage solidaire. Alors ça, c'est intéressant. Ils le font deux fois par an. Alors, le premier samedi du mois d'octobre, c'est donc sur leur site de Saint-Étienne-lès-Remiremont. Et le vendredi du week-end de l'Ascension, c'est sur leur site de Gérardmer. Et puis, vous avez donc aussi Emmaüs fait régulièrement sur Nancy. C'est le dernier dimanche du mois. Enfin, il y a régulièrement des promotions qui font que non seulement les prix sont déjà très bas, mais en plus, ils sont plus bas encore. Et puis également, pensez aux recycleries. Si quelque chose est en état, eh bien, vous pouvez les mettre de côté. Hein. Je pense aussi à des lieux comme Xaronval, hein, qui, en plus de l'animation estivale de juillet à septembre, toute l'année, font une activité de retour à l'emploi par l'insertion par l'économique, avec la remise en état dans le cadre de recyclerie pour permettre une nouvelle vie à ces différents objets. Et si, exceptionnellement par exemple, vous ne voulez pas aller à ces différents endroits, eh bien si vous déposez ça devant chez vous, eh bien, mettez juste un petit panneau, hein, à prendre, à donner, servez-vous, de façon que quelque chose qui est en état, eh bien puisse tout simplement être assimilé à un don et non pas à une ordure. Hein. Il suffit de marquer « servez-vous » et ça transforme un objet. Il passe du statut de l'ordure au statut d'objet à donner. C'est de toute façon très sympathique. Et puis, de toute façon, il existe aussi de plus en plus aussi ce qu'on a fait des cafés repères qui permettent aussi de réparer un certain nombre d'ustensiles, sachant que la priorité, c'est quand même aussi que les législations nationales et internationales, eh bien, s'activent un peu le train, excusez-moi les propos, mais pour que les industriels ne nous amènent pas justement dans ce précipice. Alors, donc, on va terminer cette émission Grand Est, je t'aime en musique de décembre consacrée à la consommation. Alors, c'est tout simplement, quand je dis tout simplement, parce qu'on les affectionne, les buralleurs, hein, oui, parce que qui dit consommation à outrance, eh ben, dit aussi énergie, hein, énergie ne serait-ce que des panneaux publicitaires qui sont allumés quasiment toute la nuit pour pouvoir vous dire acheter, acheter à 3h du mat quand il n'y a plus personne. Et qui dit électricité, en France, dit nucléaire. Alors, pour que Bure n'ait pas lieu, eh bien, il y a les bures à l'heure. Et les bures à l'heure, ils nous interprètent justement le moyen d'être consommateur, tout simplement avec son morceau fait main. Je n'aime pas me nourrir de leurs aliments trafiqués. Faire mourir, mais c'est pas cool de manger ces saletés. Toujours tout pour le fric, pas grave, tu as bon crevé. Faut faire des bénéfices, matière première, frelater. Vive les fruits et légumes du jardin, les produits du coin, et vive le fait main. Barquette plastique, mystique, toxique, industrielle, poubelle. Exhausteur de goût, stabilisant, colorant, conservateur. Pour faire passer la pilule, on te rajoute ces quelques horreurs. Cible de ce commerce, ça m'écœure. J'ai mal pour eux quand je les vois tous se jeter sur leur hamburger. Vive les fruits et légumes du jardin, les produits du coin et vive le fait main. Barquet de plastique, mystique, toxique, resto rapide, malobile. Émulsifiant, pas content. Acidifiant, pas content. Édulcorant, pas content. Anti-agglomérant, pas content. Moi je veux manger du frais et du naturel, pas de leurs conneries bonnes pour la poubelle. Y'a tellement de choses qui sont pas interdites, on t'essaiera à bouffer, c'est dramatique. C'est plus s'alimenter. Les centrales industrie, le soin de tout lui préparer. Y'a plus rien de nutritif, c'est désinfecté, irradié. Irradié. Et la course au bas prix t'assure une piètre qualité. Vive les fruits et légumes du jardin. Les produits du coin et vive le fait main. Barquette plastique, mystique, toxique, pesticide, homicide. Les buraleurs, les buraleurs, fait main. Et nous allons nous quitter cette fin d'émission, le grand test Je t'aime en musique de décembre consacré à la consommation. On vous souhaite justement une fin d'année sympathique et surtout de nouvelles années encore plus sympathiques en toute conscience. Allez, on termine avec Salfée qui nous interprète Ce sera mieux à Pâques. J'y est arrivé, c'est Noël à la maison. Bientôt les invités vont se bousculer au portillon. Il ne reste plus qu'une demi-heure avant le top départ. Toute la journée au fourneau, ça ne compte plus pour du beurre. Faut que je sois à la hauteur, on a caché tous les cadeaux. Et les conneries démarrent. Toute la famille arrive, je ne suis toujours pas habillée. Il manque encore quelques convives, je suis déjà essoufflée. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Je cherche ma robe un peu partout en disant bonjour en même temps. Mais bon sang, elle est passée où j'avais en main il y a un instant. J'ai l'air fine avec mon peignoir. Il y a quand même mieux comme robe du soir. Bonjour, oui, bonjour, salut, moi, ça fait plaisir, installez-vous. Dans une minute, je suis à vous. Ça y est, j'ai fini par trouver ma robe froissée sous le manteau. Merci. Sur le lit, je l'avais posée. Allez, passons à la pire. Pour le moment, plus d'incidents. J'ai mis les petits plats dans les grands. Mes petits toasts font un malheur. On continue à même pas peur. Non, mais c'est n'importe quoi. On entame à peine l'entrée que le petit frère s'impatiente. Oui, c'est... Enfin, c'est peut-être... Tu vois, tout est bon, arrête un petit peu, non mais... Encore l'entrée, numéro 2, ensuite le plat et le dessert. T'inquiète donc pas, on t'appellera. Pour le moment, tu vas te taire ou je t'en mets 1, 2, 3, 4. Pour continuer dans la lancée des petits plats dans les grands. J'ai choisi une seconde entrée, vous me direz, c'était pas tant. C'était pas tant. Je sais. C'est une salade exotique, mélange de fruits et d'épices, posée dessus des langoustines. C'est là que ça devient épique. Je vois ma mère discrètement me rejoindre dans la cuisine, me demander innocemment: dis, t'as fait cuire tes langoustines? Ah bon, parce que ça se cuit. Ils ont mis dans la recette de préciser cette cuisson. C'était marqué sur la barquette. Sur ma maman, t'as pas raison. Moi je me disais que c'est normal, cet aspect flasque pour un mollusque. Maman, pourquoi tu deviens pâle? Je ne voudrais pas que l'on s'offusque. C'est pas un mollusque, c'est un crustacé. Quoi? Les langoustines, c'est pas des mollusques, c'est des crustacés. Quoi? Alors ta rime, elle est foutue. Quoi? Et tu les as servies crues? C'est assez. Si c'est assez, c'est une baleine, alors c'est pas un mollusque, c'est bien ce que je dis. Non. Suis la panique totale, les assiettes viennent d'être servies. Je vois ici le scandale, une famille se détruit. Suite à un empoisonnement, Noël se suit d'un enterrement. Non. Puis vient le plat traditionnel que j'ai voulu. J'ai fait une dinde à la cannelle. On m'a pris pour une anormale. Non plus. J'ai d'ailleurs perdu des cheveux en voulant la sortir du four. La dinde, hein, pas la guitariste. J'ai bien failli finir braisé. J'ai senti le cochon pendant 3 jours. Pour mettre fin à ce repas, le Père Noël est arrivé et mon salon s'est transformé en caverne d'Ali Baba. Petit frère s'est soudain réveillé en déballant tous ses cadeaux et en jetant sans s'arrêter tous les papiers sur la déco. Les bougies, les papiers cadeaux se sont mis à faire leur boulot et la belle nana pas papier les a rejoints, s'est embrassée. Et qu'est-ce que tu fais? C'est le bruit du feu. Et mon salon s'est transformé comme ma mèche de cheveux en un vide puis en fumée quand on eut maîtrisé le feu. Premier Noël à la maison et les petits plats dans les. Mais bon, les gens semblaient contents. Mais pour moi, Noël, c'est fini. Des trucs pas cuits aux incendies. Pour l'an prochain, c'est décidé. On se fait un. Invité, c'est ça. Invité, on se fait inviter.